Bon alors, qu'est-ce qui vous amène? C'est Zubi, Zubi triste. Oh, le bas du champ, en pleine redescente, ça va pas du tout. Ah oui, d'accord, je vois là. Bah, c'est tout qui avait trouvé un plan, elle est si pas chère. Oh, je bouge plus.